J'suis au cégep, mon prof se répète pis c'est vêche. Pas besoin d'écouter ses verbes parce que ma réputation est faite. J'suis astucieux, ma prof me prend pour un studieux. Qu'est-ce que tu veux, j'suis son chouchou, mais c'est cool. Elle te dit restitueux, des cristes de plomb qui siennent prestigieusement des beaux petits seins. T'auras jamais vu une femme de 30 ans paraître aussi vain. Maudit fin, ma soif d'essai, j'la plotte retraite là. Après ça, j'irai faire la même affaire avec ma blonde, mais j'y dirai pas. Anyway, ça c'est mes fantaisies. Dring la cloche d'avant midi, j'm'en vais. Slash, il faut que je te parle, mais tu attends ici. Prends-y même pas, ok, pourquoi faut-tu que je passe un test? Non, c'est juste que t'auras grand le test. T'es vraiment l'espièce, à vrai dire, j'ai le goût d'avoir du sexe. Oh ouais, j'ai fini par y voir les fesses. Oh, ça mérite un record Guinness. Un corps de DS, une fan d'expérience. Tu fais le pain que j'essaye. Je me claque ma prof de français, jamais senti rien pareil. Ça a bougé comme un essaim d'abeille, puis claque la porte se rouvre. Oh shit, check dans l'entrée, ma blonde se trouve. Allô? Slash, mon tabarnak, t'es rien que salaud. Non, c'est mon cours de bio-cesse. Encore mes travaux, t'interromps mon labo. De quoi tu parles, t'es cul dans sa plot? À part que si tu veux que j'y radote. Ma chérie, la vérité, c'est que pour ma survie, fallait qu'on fasse l'amour. Le deal, c'était qu'on fond, pis j'passe le coup. Quoi? S'il vous plaît, madame, faut pas le dire, j'essaye de m'en sortir. Elle me dit dans le creux de l'oreille, elle me la liche. C'est pas mon mentir. Mais avec une voix de cochonne en plus, veux pas, j'ai jacké. Encore tout nu devant ma blonde, elle peut pas la rater. En effet, elle me la fixe. Ouais, mais ça pas trop leur dire comme sacrifice. T'es bon aller jusqu'au cou, pis la réexciter en calice. En manœuvre, cambolèche, je remonte mes pantalons au plus gris. Avant qu'elle rugisse, même si de toute façon, c'est un supplice. Au moins, mon pubis, c'est plus visible, j'ai plus l'air d'un nudiste. Shit, mais elle attend encore sa réponse, il faut que j'y réussisse. Là, j'ai l'air trop discret, j'ouvre ma bouche puis j'y fais. Ben voyons, bébé, parce qu'une femme de l'or, j'meurs, m'exciterait. C'est sûr que j'pense à toi pendant que j'habillais. C'est même ton nom que j'criais. Madame, est-ce que mon chum dit vrai? J'sais que la prof, elle a valeur à hésiter, méditer sur le fait dire ou pas la vérité. Pour éviter la marge, j'ai dit, aidez-moi, on se reprendra une autre fois. Elle me sourit, ça va être mon ton de voix. C'est que vois-tu, ton chum est désirable, c'est inévitable. Pis j'sais que c'est minable d'y faire du chantage. S'il y a des rivales, mais là, mes corrections vont être équitables, je leur donne. Ah, slash, avec tu me comprends jamais avec personne. Bah, si tu creuses ce soir même, strap, ferme ta grand yopisus. Croire à des histoires dans même ton cerveau, un virus. Depuis ce temps-là, je me tape ma prof de français à toutes les semaines. Sans qu'elle insiste, pis j'ai ma blonde. Que ma prof me crouse encore, mais que j'y résiste. Non, mais. Si on appelle ça savoir se sortir de la merde.